et boire un Jack Daniel. Bing, j'ai le cœur qui bat, c'est mauvais signe. Et bing, je peux pas remonter le film. Et pour une fois, c'est peut-être pas la frime. Cette fois, ça y est, Daniel s'en va. Fini, c'est comme une piqûre de cobra. Je vous le dis, je me sens nul quand Daniel s'en va. Ma vie, c'est pas le genre à revenir vers moi. Cette nuit, smoke, j'ai plus la pêche. Tout vient du toc, les guitares sèchent. Les entends rock, mais ça n'empêche des larmes en stock pour elle, pour elle. Cool, faut pas que je pleure, faut pas que je coule, faut que je fasse une heure seul dans la foule. Je la joue bonheur et puis je m'écroule en boule. Cette fois ça y est, Daniel s'en va. Comme une piqûre de cobra. Je vous le dis, je me sens nul quand Daniel s'en va. Ma vie, c'est pas le genre à revenir vers moi. Side.